60. La décennie de vos plus beaux moments. Nostalgie. Come back to me. You've been gone too au cœur des années 60. I'll follow, I'll follow, he'll always be. couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

j'ai chanté ces quelques lignes comme pour te faire un signe en passant. Dis à ton tour maintenant que la vie n'a d'importance que par une fleur qui danse sur le temps. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. Crois-moi. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. Crois-moi. Le meilleur des 60s, 24h sur 24. Nostalgie 60. Nostalgie. Sweets for my sweet, sugar for my honey. Your first sweet kiss thrills me so. Sweets for my sweet, sugar for my honey. I'll never ever let you go. The boys who watch the girls go by, eye to eye, they solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Watch a guy, watch a dame on any street in town, up and down and over and across, romance's boss. Guys talk, girl talk, it happens everywhere. Eyes watch, girls walk with tender loving care. It's keeping track of the pack, watching them, watching back, that makes the world go round. What's that sound? Each time you hear a loud collective sigh, they're making music to watch girls by. Thank you. with tender loving care. It's keeping track of the pack, watching them, watching back, that makes the world go round. Watch that sound. Each time you hear a loud and collective sigh, they're making music to watch girls by. The girls, while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Dans sa course vagabonde, serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour. Elle va s'oublier la vie. Retiens la nuit. Avec toi, elle paraît si belle. Retiens. Qu'elle devienne éternelle pour le bonheur de nos deux cœurs. Arrête le temps et les heures, je t'en supplie à l'infini. Reviens la nuit. Ne me demande pas d'où me vient ma tristesse. Ne me demande rien, tu ne comprendrais pas. En découvrant l'amour, je prône la détresse. En croyant tout bonheur, la peur entre en mes joies. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut veille le jour et ne va s'oublier la vie. Retiens la nuit. Avec toi, elle paraît si belle. Oh, retiens la nuit. Mon amour, qu'elle devienne éternelle. À l'infini, retiens la nuit. Oh, je t'en supplie, à l'infini, retiens la nuit. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleeping. Nostalgie 60. Nostalgie au cœur des 60s avec Nostalgie 60. Parfois je veux mourir dès que le printemps est là. Nostalgie 60. Les 60s comme si vous y étiez. Le meilleur des 60s 24h/24. Nostalgie 60. Nostalgie 60. 60. La radio de vos années préférées. Nostalgie. Wise men say only fools rush in, but I can't. Falling in love. if I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Ah. je viens. Entre tes reins, je vais et je viens. Je me retiens. Non, Max, non, viens. Les filles en tombent à mes genoux.

Nostalgie 60. Vous êtes au cœur des années 60. I said, Nostalgie 60. Nostalgie. Qui savent bien tous ces ouais. Schnaoui. Si vous avez un bon ticket, alors allez-y, venez. Vous dansez pour tout bagage, quelqu'un qui vous plaît. Wow, wow. Attention au départ, il faut rendez. À écouter sur nostalgie.be. Boom, boom, boom, boom. I'm gonna shoot you right down, right off of your feet. Take you home with me, put you in my house.